10 observations, degrés. Il n'est pas vache. Il est vache. Il est très vache. Il n'y a pas plus vache.